Aimer, prier, chanter, voilà ma vie. Plus que tous ces biens qu'ici-bas l'homme en vit. À l'heure des adieux, je ne regretterai rien, rien que l'ardent soupir qui vers le ciel s'élance, l'extase de la lyre ou l'amoureux silence qui s'envole avec le son. De la beauté, sentir frémir, salir, voir d'accord en accord l'harmonieux délire, faire chanter les âmes et les yeux qu'on adore, comme au souffle des vents, les larmes de l'aurore. Silence qui s'envole avec le son.